Il s'est révélé au grand public en 2015 avec son premier album solo Les Magiciens, avec des titres comme Avant de disparaître et Des cœurs plein la tête. Il vient de sortir son deuxième disque en avril dernier qui s'intitule Bleu nuit. Claude Bégin, salut! Salut! Quel sujet t'as eu envie d'aborder avec ton deuxième album? Quel sujet? Écoute, moi, quand je pars un album, j'ai la création d'un album, j'ai pas de plan de sujet comme tel. Puis justement, je me suis donné une espèce de ligne directrice pour essayer que les chansons aillent une espèce de suivi, pas dans le sujet, mais dans la couleur. J'ai donné le nom avant même d'être commencé la création pour que ce concept-là se passe finalement. As-tu envie d'apporter des différences là, sur le son de Bleu Nuit par rapport à ton premier, Les Magiciens? Oui, ben le premier, j'avais composé à la guitare, de base, comment on appelle les noyaux. Là, c'est une petite riff de guitare avec du vocal, mais là, j'ai tout composé au piano. Fait que ça change quand même la création, la ligne directrice. C'est vraiment tout au piano. Fait que ça fait de bonnes différences. Tu t'es entouré de collaborateurs cette fois-ci, dont ta mère, Marie-Mé, Laurence Narbonne, même ta blonde a participé. Voulais-tu donner une couleur différente là, par rapport à l'album précédent avec ces collaborations-là? Oui, justement. Le fait d'avoir fait aucune collab sur le premier, j'avais un peu à découvrir qu'est-ce que j'allais faire moi en solo. Puis là, ben, j'étais rendu ailleurs. Je me suis dit, on va essayer des collabs, on va mettre de la couleur un peu partout dans l'album. Des personnalités très différentes, de milieux très différents. Puis je pense que ça a servi à colorer le tout. On peut dire que tu es un homme orchestre parce que tu joues plusieurs instruments. Du côté composition musicale et écriture, c'est un peu différent là, du standard qu'on connaît des musiciens. Là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, je pense que tout ça vient du fait que j'ai commencé en faisant du rap. T'sais, dans le fond, jouer tous les instruments, c'est relatif. Je pense que tout le monde peut... un peu jouer de tout. Moi, je joue un peu de guitare, mais le reste, j'ai pas besoin d'être très bon dans un instrument pour que ça sonne bien. Dans l'ordinateur, je peux faire des montages. Tout ça est une question de montage, en fait. Puis, en commençant en faisant du rap, ben c'est programmer des sons. Fait que c'est comme ça que moi j'ai appris à faire la musique. Ce qui est particulier, mais il y a de plus en plus de monde qui font ça comme ça avec la technologie. C'est un processus qui demande moins de moyens, qui reste très créatif, puis t'as pas besoin d'être bon et de pratiquer pendant des années un instrument pour arriver à tes fins. Dans tes vidéos, tu joues beaucoup sur le côté osé, parfois double sens, là, quand je pense à la banane dans la vidéo, ma voiture volante. Est-ce que ça t'incite, qu'est-ce qui t'incite à aller jouer là, de ce côté-là? En fait, ça a pas été évident, mais c'est un peu la continuité du vidéoclip où j'étais tout nu sur le book, et là, j'explose dans l'espace, puis j'apparais au piano comme nu, mais j'étais supposé être dans l'espace, sur le piano, comme si j'arrivais de ce vidéo-là directement. C'est comme pour faire la ligne directrice entre les... C'est comme un lien entre les deux clips, mais qui est pas évident. Fait que j'ai juste l'air d'un gars, finalement, qui va être tout nu dans tous ces clips. Ce qui n'est pas le cas. Bon, il y a une fille la semaine passée sur notre page Facebook qui disait « Ah, Claude Bégin, c'est le sexe symbole québécois. Trouves-tu que ça met de l'ombre un peu sur ta musique ou ça te donne un avantage? » J'ai découvert avec le temps, après analyse de la situation, parce que c'est quand même particulier à gérer. Je veux dire qu'il y a des avantages, oui, parce qu'il y a des gens qui probablement m'auraient jamais connu, qui n'auraient jamais écouté la musique. C'est pas de ça, puis vice-versa. Il y a des gens qui l'écouteront pas à cause de ça, qui vont tout de suite juger. Ils vont regarder la pochette ou ils vont voir une image, ils vont se dire « c'est pas ça, j'aime pas ça », avant même d'avoir écouté. Fait que ça joue dans les deux zones, finalement. Après analyse, c'est la conclusion. Et en dehors du personnage qu'on connaît, là, quand les micros sont fermés et les caméras, là, quelle sorte de Claude Bégin on peut s'attendre à voir à la maison? Pas le même, je pense. Absolument le même. Tu restes authentique sur la scène comme en dehors. Oui, peut-être je bouge un petit peu moins. Puis tes passions en dehors de la musique, ça peut ressembler à quoi? Mes passions, la photo, le dessin, la pêche. ouais, c'est beaucoup l'art visuel, finalement. C'est la chose qui me passionne. Si j'avais à ne plus faire de musique, je serais probablement quelque chose en art visuel, là. Je sais que tu es encore avec à la claire. Est-ce que tu vas toujours combiner les deux ou plutôt mettre l'emphase sur ta carrière solo? Je combine les deux depuis un bout déjà, puis je vais toujours continuer à combiner les deux, à moins que vraiment quelque chose m'empêche, puis j'ai des choix à faire, mais en ce moment, je peux faire les deux. Est-ce qu'on peut espérer voir Claude Bégin se produire dans l'Ontario francophone, peut-être à Penetangue? Chez ici, là, il y a un festival, le Festival du Loup. Damien Robitaille est natif de là. On va le voir très bientôt. Est-ce qu'on pourrait peut-être te voir dans les parages, un de ces quatre? Ben, il faudrait absolument. Vous en parlerez à ma maison de disques. On fait des connexions. Je vais aller vous voir. Ben oui, parce qu'on aime ça voir des artistes dans les minorités francophones. Ça amène toujours quelque chose de nouveau. Ben oui. Moi, je suis là, si vous voulez. En terminant, là, qu'est-ce qui t'attend là, pour les prochains mois là, avec la claire et aussi du côté solo? Ben, c'est des spectacles. En fait, il y a plein de spectacles, 2, 3, 4 par semaine jusqu'à mi-août. Et puis après, je prends une pause. Mais il y a plusieurs spectacles. Il faut aller voir sur mon site claudebégin.com pour ce qui est des spectacles solo. Sinon, sur le site à la claire.com. Le deuxième album de Claude Bégin, Bleu et Nuit, est disponible depuis avril. Pour plus de détails, visitez claudebégin.com. Je voulais te remercier, Claude, d'avoir pris le temps là, de nous parler ce matin. Merci à vous. Merci, salut.